cette édition spéciale d'Assemblage Requis. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on vous parvient des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Aujourd'hui, on vous présente la compilation de nos chroniques culinaires cheap, une grosse pointe tendresse de juin à octobre 2017. Tu sais que chaque semaine, Tania, dans une grosse pointe tendresse, on s'amuse. Hein? On prend des affaires qu'on peut acheter ou cuisiner facilement ou que les autres membres de l'équipe n'ont pas encore goûté, qu'on pourrait considérer comme de la malbouffe, puis on en profite. OK, oui, et dans les trois prochaines heures, vous allez en profiter parce qu'on va goûter, entre autres, des craquelins, des bonbons, des croustilles, des barres tendres, des céréales, des pretzels et même du vin rouge désalcoolisé. Eh bien oui, et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la liste complète de nos dégustations dans la section Une grosse pointe d'adresse d'assemblagerequis.com. Ça me met au cœur, trop d'affaires. Ah, je sais. Mon ventre. C'est une grosse pointe d'adresse! Yeah! Yeah! Grosse pointe d'adresse, c'est l'accueil dans lequel on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit gardé dans un tiroir pendant une semaine entre deux chroniques. En passant, là, on est moi, Tania et David Ferron. Il manque juste une personne, puis on a un spécial, une grosse pointe d'adresse à se passer. C'est vrai, hein? Tu sais, celui où personne n'est venu? Martin! Martin, en vrai! Bref, hey, c'est une chronique aujourd'hui. On a le plaisir de recevoir un produit que c'est Tania qui a acheté. Oui, exactement. Oh. Est-ce que vous avez hâte de savoir c'est quoi, messieurs? Mais ça. Rappelle-moi les critères, Mathieu. Okay. Pour être certain que j'ai bien fait ma job. T'as le droit à deux critères au moins sur trois. OK. Facile à se procurer ou à cuisiner soi-même. Oui. Qui est de la malbouffe, malsain. Et que les autres n'ont pas goûté. OK, bon, mais j'ai deux de ces trois choses-là. Facile à se procurer et je suis persuadée que vous n'avez jamais goûté. Donc, c'est pas nécessairement malsain. Donc, c'est non. Santé. Ben, quand même. On sait que David fait vraiment attention à c'est dans la catégorie des choses qui étaient bonnes pour la santé à la pharmacie. OK, okay. Hey, moi aussi, j'achète tout le temps en pharmacie. C'est des probiotiques, c'est une fois c'est ça, je vous ai amené des oméga 3, les boys. Non, c'est pas vrai. En fait, je vous ai amené des craquelins. Okay. Ça s'appelle des Good Thins. Ouh. Mais attention, à saveur de betterave. En fait, c'est la variété à la betterave. Donc, ce sont comme des craquelins qui ont été faits à la betterave. Okay. À saveur... C'est fait à base de betterave, à base d'un craquelin. Okay. Exactement. Okay. C'est fait de vraies betteraves véritables. Et c'est à saveur de vinaigre balsamique et sel de mer. Oh, ram. Dans le fond, tu manges ça carrément, mettons, en entrée, gratiné avec l'humus. Ben, c'est ça. Ouais, ouais. Ils décrivent ça comme étant des craquelins divins au goût relevé de betterave. Au relevé? Puis j'aime les betteraves, donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est la compagnie Good Thins. Donc, il n'y a pas de gras trans. C'est sans cholestérol, sans colorant artificiel, sans arôme artificiel. Et c'est 80 calories pour 20 grammes. Wow! Donc ça veut dire 15 craquelins. 15 craquelins. J'ai de la misère avec ma mon cus. Mais 15 craquelins. Donc c'est quand même beaucoup. Et on parle de pommes de terre, on parle de betteraves en poudre, on parle de fécule de maïs et du vinaigre balsamique en poudre, du sel de mer, des oignons. Écoute, il y a juste des choses bonnes là-dedans. Mm-hmm. Mais c'est super fait... facile à se procurer. C'est fait par M. Christie, quoi? Oui, M. Christie, vous faites de bons biscuits. Oui. C'est ça. C'est marqué The Beat and Delicious. Exactement. Est-ce que tu veux que je l'ouvre, Mathieu? Oui. Dans le micro magique. Je vais essayer de faire ça sans... On veut des effets spéciaux. Ouais. On n'a pas de budget pour ça. Oh! Hein? Est-ce que vous avez déjà mangé des Good Thins? C'est pas comme des minces aux légumes, ça, genre? C'est un petit peu la même chose. Ouais, c'est bon, ça. Oh, sac d'aluminium! Sac d'aluminium, mesdames, messieurs! Je lisais ce qui était écrit en bas. Ça dit craquelin aux pommes de terre, à la betterave et au blé. OK. Donc, c'est pas fait à partir de betterave, le craquelin, en fait. C'est ça. Il y a de la poudre de betterave, on l'entend le temps. Exactement. C'est plein de fibres. C'est ça qui fait en sorte que c'est rouge. Je sens rien, fait que, tu sais, je peux pas... Ah, OK. Ah, je l'ai tellement mal ouvert. Parce que c'est sel et vinaigre et betterave, ça doit avoir beaucoup d'odeur quand même. Vinaigre balsamique. Oui, et sel de mer. Sel de mer et betterave. Donc, David, je vais te donner l'opportunité de sentir puisque je ne sens absolument rien. OK, décris-nous ça, David. Ça sent les betteraves, mais il faut que je les sente avant. Ah oui, sniff. Il y a un petit côté sucré, je trouve. Oh, ok, sucré. Tu vois, moi, je sens absolument rien. Est-ce que les betteraves sont sucrées d'habitude, comme il me semble un peu? Oui, des betteraves, en temps normal, c'est sucré. Il y a un... Oui, il y a un petit côté très sucré, mais avec le sel, ça, je sens que on va avoir droit à du sucré salé. Oh! Donc, je te permets de t'en prendre, David. Merci. T'as les mains propres, Tania? Oui, tout à fait. Je me suis pas touché le mucus, c'est ça. Ça ressemble à une pépéronie visuellement parlant. C'est vrai? Oui. Hey, c'est vraiment mince. Oui. Sur une pizza, ce serait excellent. Je croyais que ça allait être beaucoup plus épais que ça. Parce que sur la boîte, ça a l'air comme puffé un peu. Ouais. Puis finalement, c'est pas puffé pantoute, hein. Bon. J'essaie de sentir les maps. Il y a des petits trous dedans. On dirait que c'est comme un bouton de manteau, genre. Tu trouves pas? Oui, c'est vrai. Ça pourrait être des boutons de manteau. T'as bien raison. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être pour que si quelqu'un l'avale un coup sec, il puisse continuer de respirer. Là, j'ai comme l'impression que je goûterai rien non plus à cause que je sens rien. L'odeur est vraiment plaisante, je trouve. J'aime bien l'odeur. Voyons, vous autres, l'odeur, je sens rien. C'est normal, Tania. T'as le nez bouché. T'as le pendant le rhume chez Tania, le après rhume pour Mathieu et le pas de rhume pour l'instant pour David. C'est ça. Ah, est-ce qu'on goûte? On goûte. Allons-y. Ah, tu vois, je sens rien, mais je goûte. Ouh, c'est quand même. Ça goûte la sauce à pizza. Vraiment, hein? La sauce à pizza? Ça goûte pas tant les betteraves. Un peu, mais ça goûte plus les chips aux légumes. Moi, je décèle vraiment beaucoup le vinaigre balsamique. Je sais pas si c'est parce que le rhume fait en sorte que je ressens juste ça. Mais tu sais, les chips là, qui sont comme lignés un petit peu, épaisses, je sais pas, sur ton maïs, ça goûte un petit peu ça, je trouve. Mais ça, gratiné au fromage, ça va être succulent. Ouais. Avec... Tu peux pas gratiner ça. Ben parce que à cause du goût de sauce tomate, je trouve. Ouais, c'est vrai. Sauce tomate. Non, mais c'est vrai, il y a raison, je trouve. Ça goûte un petit peu la sauce pizza. Pour vrai. Mais ça goûte vraiment pas la même corde que vous, là. Ça goûte un petit peu les... Attends un petit peu. Ah oui, je sais ce que ça goûte. Tu sais, les petits poissons, là. Oui. Les petits poissons en craquelin. Oui, oui. Saveur de pizza, là. Ceux qu'on avait déjà goûté. Oui, ça goûte ça. C'est bizarre, hein? Mais c'est très bizarre parce que moi je goûte pas ça pendant tout. Oh, mais t'es pas normal, Non, mais je goûte vraiment la betterave et le vinaigre balsamique, moi présentement. Un peu la betterave, mais pas tant que ça, je crois. Non, c'est ça parce que moi je vais t'avouer, Tania, quelque chose. Oh. Quoi? Attention, j'aime pas la betterave. Pour vrai? Non. Et t'aimes quand même ces craquelins-là? Ben pour vrai, parce que ça goûte pas la betterave, justement. Étrange, hein? Mais est-ce que vous aimez ça? Oui, j'adore ça. Ben oui, je t'ai dit que j'aimais ça, mais ça goûtait pas la betterave. Parce que je peux pas m'auto-fier à ce que moi je goûte, tu sais. Non, j'en rachèterais pour vrai, je trouve ça vraiment très bon. Est-ce que je peux m'en prendre un autre? Oui, certainement. C'est le classique de David. C'est le classique de David. Je peux-tu en prendre d'autres? Et toujours la phrase. C'est comme, tu sais, dans les sitcoms, quand tout le monde a sa catchphrase. Oui, David, lui, c'est clairement, est-ce que je peux en prendre d'autres? Mais avant, est-ce que je peux en prendre d'autres? Il est quand même. Mais avant, évidemment. Mais avant. Mais avant. Moi, j'approuve pouce en l'air. Moi aussi, pouce en l'air, malgré le fait que j'ai pas l'air de goûter la même chose que vous. Non, mais c'est pas grave. Peu importe la raison pour laquelle t'aimes ça. Oui, j'aime bien. C'est des good tins aux betteraves, vinaigre balsamique et sel marin. J'avoue que le vinaigre balsamique goûte quand même pas mal fort. Ça goûte quand même quasiment un petit peu... Je dirais, un vinaigre balsamique. J'allais dire un petit peu comme le vin, là, mais c'est pas vraiment... Ouais. Ben, peut-être le mélange avec betterave et vinaigre balsamique, ça donne un petit côté tomate. Je sais pas. Là. Non, mais ça a aucun sens de dire ça, mais je suis d'accord avec David. Je vais essayer d'en mettre plusieurs dans ma bouche en même temps pour être sûr que je puisse avoir le maximum de saveurs en ayant la plume. Croustiller plus un peu. Ben, par exemple, quand tu vas avec trois craquelins savoir si je goûte la même chose que vous, OK? Pendant que tu manges, David, qu'est-ce que tu dis? Ben, en fait, c'est comme quand tu mélanges du sucre avec canneberge et du jus d'orange, ça goûte la framboise. Wow. Ben, pour vrai, je fais de la confiture aux canneberges et ça donne. T'es comme un mixologue, toi. Oui, j'aime bien mixer des trucs. Bon. Après réflexion de trois craquelins... En même temps. À pleine saveur, ouais. Moi, je la goûte, la betterave. Mais c'est peut-être parce que je mange beaucoup de betterave. Ah oui, tant que ça. Ouais, j'aime la betterave, mon ami. Ah ben... Mais c'est bon. L'important, c'est que c'est bon. Hein? Mais je vois pas votre goût de sauce tomate. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas non plus, parce qu'il y a pas de tomate là-dedans. Il y a pas de tomate. Les gars! Ben, c'est peut-être le mélange, je sais pas. Mais ça contient du céleri, tu sais, c'est la seule chose qui pourrait se retrouver dans les deux. Bref, peu importe, il n'y a pas de tomate là-dedans, mais on la goûte quand même. Zéro tomate. Ouais. C'est comme les émissions de chasseurs de fantômes, il n'y en a pas vraiment, mais... Mais ils sont là pareil. Ils sont là pareil. Ouais. Une grosse pointe tendresse, c'est la cueille dans laquelle on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en magasin, en épicerie, en pharmacie, gardé dans mon tiroir de bureau jusqu'à la prochaine chronique. Et aujourd'hui, ben, j'ai teasé, j'ai agacé le public et toi-même, Tania Baudin, en parlant de bonbons. Ben ouais. Mais je t'ai dit qu'il y avait une petite twist, le fun. Tu m'as guiché avec ça. Ben, c'est ça que je voulais faire pour que t'aies envie de manger un petit bonbon. Et j'ai apporté, en plus, c'est une marque classique que tout le monde aime, mais une nouvelle saveur, les nouveaux Werther's Originals. Ouh.

OK, mais mange en deux, là. Ben, j'en ai déjà deux de manger. Pour vrai? Je vais y aller mange comme en trois. Fumer, barbecue, ouais. Ouais. Mm-hmm. C'est bon. Ben, un petit piquant un peu. Mais je pense que je suis moins sensible que toi pas mal là-dessus. Je vais t'avouer que j'ai mangé des choses qui étaient pires que ça. Ça me fait pas grand-chose. Mais là, rendu à ma deuxième... Peut-être qu'en mangeant le sac au complet, hein? Peut-être. Mais... C'est super bon au goût, par contre. Je les trouve bonnes. Ouais, elles sont très bonnes, très réussies. Même qu'ils devraient sortir ça comme saveur régulière, sans le chili à la fin, peut-être. Je trouve que ça goûte un peu les côtes levées. C'est vrai, ça goûte les choix du président, côtes levées, tout en sentant les hot dogs fumés. Écoute. C'est gagnant. Je sais pas si... Tu sais, notre règle de mettre un pouce en l'air, pouce en bas ou sur le côté, ici, est un petit peu difficile parce que, en tant que tel, j'aime beaucoup ça. C'est bon. Ça, mais est-ce que c'est ce que c'est supposé être? Moi, je dis oui. Selon moi, vu que je suis pas habituée de manger du vraiment gros épicé, je vais dire un pouce en l'air. OK, je le sens un petit peu gelé quand même, là, le piquant un petit peu quand t'avales pas mal. Je le sens, mais c'est pas quelque chose qu'il va falloir que je prenne de l'eau là, tu sais. OK. Contrairement à d'autres sortes de Doritos. Donc, je vais dire pouce en l'air aussi. C'est mais... pire quand tu rajoutes de l'eau, en fait. Ah oui? Hey, je vais essayer. Non, je vais essayer pour vrai. Attends un peu. Parce que je pense que ce qui fait ressortir l'élément chimique, probablement que c'est ta salive. Ouais. Et l'eau vient comme un petit peu faire la même chose ouais. pour sortir encore plus de piquant. T'as raison. Oui, là, c'est ouais. vraiment... Ouais. Ouais. T'as vraiment une bouffée de chaleur, en quand fait. Quand même, ouais. Non, c'est pas pire. Pouce en l'air encore. J'enlève ma réserve et je dis pouce en l'air. Donc voilà, pour notre produit dégusté aujourd'hui. Ouh! Ouais. Quand même. Quand même. Marilyn a entendu cette chanson thème là trois fois et déjà t'allais de l'entendre, je pense. C'est pas le gars qui crie, hein? C'est toi, non, hein? Non, c'est toi. C'est pas moi. Ben, c'est non, toi. Non. Et... Je te confirme que c'est que pas non. Mathieu. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique où on mange quelque chose ou on boit quelque chose qui est sorti tout droit de mon tiroir. Donc, c'est ce qu'on appelle les produits du tiroir. J'espérais que tu dises tiroir et non autre chose. C'est... Frigo. Hey, c'est rendu bas, cette émission-là. Ah, c'est très bas, ouais. On se fait humilier. Je pensais que c'est une émission familiale. Oui, oh, avec amour. Exactement. Humilié avec amour. Oui, c'est là qu'on goûte à quelque chose qu'on a acheté soit en dépanneur, en épicerie, en pharmacie, dans le commerce. Quelque chose qui est de la malbouffe. Quelque chose qu'on ne devrait pas manger. Pendant que Marilyn tassait le micro, elle a frappé Thomas dans sa face. C'est de l'action le pur à la radio présentement. Mais elle a dit qu'elle aimait ça jouer pourquoi avec la mousse. Pourquoi tant de haine? Un micro dans ma bouche, c'est spécial. C'est lui qui l'a dit, c'est que c'est... Open your mouth, babe. Les amis, j'ai deux produits dans mon sac, hein, et vous devez choisir si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus malbouffe sucré d'une grande compagnie ou est-ce que vous voulez quelque chose de santé sucré d'une compagnie plus obscure. Vous avez le choix. Ouh, mais pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? Parce qu'on veut un produit pour la semaine prochaine. Je vais y aller avec le côté obscur de la chose. Côté obscur, Thomas? Obscur. Obscur, Marilyn? Santé. Ouais, c'est le même produit. C'est le même produit. Donc, j'ai pas besoin de répondre parce que vous avez trois personnes qui ont le même vote. Donc, aujourd'hui, on va goûter quelque chose qui va goûter apparemment la noix de coco. Oh, on adore ça. Un petit peu. Donc, c'est de la marque Hungry Buddha. Oui. Un Bouddha affamé. OK. On l'appelle. Ce sont des croustilles de coco cuites. On adore ça. Au miel céleste. Oh, bien. C'est quoi un miel céleste? C'est le miel de Bouddha. C'est la reine. De c'est Bouddha, ça. Exactement. Et en anglais, c'est Heavenly Honey, donc du miel paradisiaque, si on veut. C'est une formule toute naturelle. C'est un sac de 40 grammes. Ça dit que c'est du projet sans OGM, vérifié sans OGM. 1% pour la planète, je sais pas trop ce que ça veut dire. 1% for the planet. C'est sans gluten. Vivez sainement, soyez heureux et mangez bien. C'est leur slogan. C'est végétarien. L'aventure est sur l'horizon. Grignotez en conséquence. Bouddha Brands Company veut encourager les passionnés de la vie. Hashtag passionnés de la vie. C'est vraiment écrit ça. Vivez sainement, soyez heureux et trouvez la balance dans la vie, le grignotage et tout le reste. Donc c'est sans cholestérol, sans gras trans, sans produits laitiers, source de fibres alimentaires. Les seuls ingrédients, ça sera vraiment pas long. Noix de coco. Sucre de canne. Ouais. Miel et sel. Wow. Pour les allergènes, si quelqu'un est allergique à la noix de coco, évidemment. Le dire avant. Produit de la Thaïlande et c'est inscrit cuit pas frit, donc baked not fried. C'est distribué par Temple Lifestyle Inc. sur la rue Meilleur à Montréal. Et où as-tu acheté ce fameux petit produit? À mon épicerie habituelle qui est le métro du boulevard des Forges. On boulevard adore Moreau, c'est pas mal de là que la plupart de mes produits viennent. C'est bon jusqu'au 9 octobre, donc on est encore dans les temps. Pour un demi-sac, hein, ils considèrent qu'une portion, c'est un demi-sac. C'est pas un énorme sac, là. Non, en effet. On l'entend, il a pas l'air complètement plein. Je pense qu'il est à peu près au tiers plein environ. Donc 20 grammes, 120 calories. 80 calories des lipides, 9 grammes de lipides, 41% de gras saturé. Oui, c'est quand même pas mal. Oui, hein, quand même. 8 grammes. Le reste, c'est pas mal 0% pour tout. Il n'y a pas grand sodium, pas grand glucides, pas du tout de cholestérol, pas du tout de vitamine A, ni de vitamine C, ni de calcium. Il n'y a pas grand-chose, finalement. Il y a 4% de fer. OK. Bon. J'ai lu pas mal tout le texte, là, je ne vois rien d'autre d'inscrit. Donc, Tania, elle veut que je lui lance par en haut cette fois-ci. Et c'est réussi. On devrait filmer ça. C'est fou. Ouais. Elle va ouvrir ça dans... c'est fou! C'est fou. Jeu de mots. Incroyable! Incroyable. Donc, elle ouvre ça, la petite pochette. Oui, il était pré-snappé hein, avec un Ziploc, style. Oui. Ah. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ça sent miel. Est-ce qu'il y a vraiment le tiers dedans ou la moitié? Est-ce que j'étais proche ou... Il y a comme même pas la moitié. C'est... Ouais, il y a la moitié. Ouais. C'est quand même pas si pire. C'est léger, c'est pour ça que ça avait l'air plus léger. Ça semble très léger. Tu disais l'odeur de miel est présente, la noix de coco est battue par le miel ou? La couleur aussi du miel est présente. C'est petit, cette histoire. Ils ont dit que c'était santé, OK. Ils ont pas dit que c'était santé au complet, mais qu'il y en avait beaucoup. Ça ressemble à du papier déchiqueté. C'est vrai, ça ressemble vraiment à du... En fait, ça me fait penser un petit peu à des biscuits chinois présentement. Ah ouais, okay. Non, quand t'aiguises des crayons. Oui, c'est exactement ça pour la couleur, exact. C'est vraiment tout petit comme des miettes. On dirait que c'est supposé être. Ou des oreilles de Chris. Est-ce que c'est supposé être aussi émietté que ça ou est-ce que j'ai pris un mauvais sac? Mathieu, est-ce que tu veux que je te le. Ah, va le fermer et me le lancer? Ah, wow. Ça sent le coconut. C'est pas bien. Ouais, ça sent le coconut. Ça sent pas les écorces de crayons. des crayons blonds. Une chance. Au moins. Ok, est-ce qu'on est. Ça sent bon. Moi, je m'en prends deux en même temps. Ça sent moins le miel un coup que tu te. C'est vrai. Tu te le mets sous le nez. On dirait sinon... Et pas dans le nez. On dirait que tu pourrais faire des prothèses au bye-bye, genre des fausses oreilles. C'est vrai. Comme venir mettre ça sur l'oreille de Joël Legendre, je sais pas pourquoi. Ça aurait l'air vrai. OK. On y va? On va? Go. Hey, j'aime ça. C'est bon, hein? Tellement. Très croustillant. Ça goûte plus le miel que ça le sent. Et très frais. Ouais. Très frais. Très frais. Non, j'aime beaucoup ça. Ah! Je passerai au travers d'un sac. C'est réussi. Je vais vous sortir la photo que j'ai prise hier à l'épicerie des différentes variétés qu'il y avait. Non, ça, c'est la photo du fait qu'il y avait beaucoup de monde pour 23h un mardi soir, le mercredi soir. C'est pas ça, là. T'as sriracha piquant. OK. Oh. Quand même. Mais toujours de la noix de coco. Toujours de noix de coco. T'as chocolat effronté. OK. T'as coconut classique. Mm-hmm. Et t'as, c'est quoi le dernier? C'est le miel célèbre. J'ai pris celui qui était en bas de la... un petit selfie pour la route, hein? C'est bien ce qui s'est passé. C'est bien ça? Non, ça a pas marché. Ah. Un petit selfie de studio, on aime ça. Ah, c'est cute. Cache. On voit juste un de mes yeux entre trois micros. Ben ouais. Moi aussi. Je voulais voir, par rapport au prix, c'est pas inscrit nulle part sur le présentoir. Métro est très très fort sur ne pas afficher le prix sur les petits présentoirs comme c'est ça. C'est vrai, hein? On dirait qu'ils veulent qu'on l'achète et qu'on s'en rende compte après. Donc, je peux pas vous dire combien ça coûte. Étant un produit santé et d'une marque obscure, d'après moi, ça doit être cher. Probablement. Donc, je pense pas pouvoir remplacer les collations par ça. Je te dirais pour un sac comme ça, aux alentours de 5... 5 et 25. Et 25! Ouais. J'aurais dit 3,99 puis j'aurais eu tort. T'aurais eu tort. Je pense que oui. Hein. Des graines de chia, ça goûte plus cher que ça. J'avoue. Mais c'est très bon, une fois de temps en temps, pour, avec des amis, des collègues, gens qui travaillent dans l'université. Oui, tout à fait. Des gens qui à la chasse-galerie, à la radio. Mettons, ça pourrait être parfait comme exemple. Tout à fait. Partage ça, puis ça fait un beau selfie. Hein? Et voilà. Voilà. C'est ça. Moi, je mets le pouce en l'air pour ça. Moi aussi. Pouce en l'air. Pouce en l'air, Thomas. Deux pouces en l'air pour Marianne aussi. Tout le monde met des pouces en l'air, on aime ça. On est dans une bonne période pour une grosse pointe d'adresse. Je vous repasse le sac de l'autre côté si jamais vous voulez en prendre d'autres. Fouink. Ah, je l'ai vraiment pas. Hey, c'est sûr qu'ils ont plus l'air de des croustilles. C'était raté comme ça. C'est sûr qu'ils ont l'air de la poudre. Très de beau lancé, Mathieu. très beau lancé. Je suis pas un gars de sport, hein. Je suis un gars de mise en onde de sport. voilà, ça va être tout pour cette chronique d'une grosse pointe d'adresse parce que le temps file. Merci beaucoup à Thomas et à Marilyn d'être restés pour la chronique. C'était super cool. C'est un plaisir. Ok, oui. Une grosse pointe tendresse, c'est la chronique dans laquelle on achète un produit dans un magasin, dans un commerce, et on y goûte. C'est ce qu'on appelle les produits du tiroir, parce que je les garde dans mon tiroir pendant la semaine en cours. Ça, c'est pas mal plus rare l'été. L'été, je le garde pas mal dans mon sac à dos par moment. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, tantôt, je me suis demandé, oh, j'espère que ça n'aura pas fondu un petit peu. Mais non, c'est attends, pas supposé fondre. Ça fond. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ah, mais c'est du caramel. Donc, automatiquement, ça peut devenir vraiment très mou. C'est ça, caramel qui peut être fondant. Qu'est-ce que ça dit? Ben, des petits bonbons en caramel. Ouais, genre. Mais qu'est-ce qu'il y a en ce moment, nouveauté en magasin et qu'on le croise tout le temps, puis on se dit, ah, fallait bien y goûter. Non, t'as pas vu ça passer? Wow, attends, on se dit ça, genre, toi puis moi? Ben, on se dit ça, les gens se disent ça dans la vie. OK, parce que toi puis moi, on se voit plus vraiment. L'été, non, c'est ça. Non, c'est ça. Attends, les gens. Du chocolat? Oui, du chocolat. Tout le monde tripe là-dessus. Ouais, OK. Tu sers ça dans un grand bol lors d'un party. Dans un party. Non. Pas des Ferrero Rocher. Non. Des M&M au caramel. Ah, mais voyons donc. Je te jure, j'ai pas vu ça nulle part. Non, mais c'est tout nouveau. Le sac est bleu, un genre de bleu. C'est du emporter et partager, nous dit-on. Donc, M&M's au caramel, bonbon au chocolat au lait. 200 calories par portion. Et on dit qu'une portion, c'est un quart de tasse. 42 grammes et il y a 109 grammes. Donc, peut-être deux, trois portions environ, deux portions et demie quand même. Il n'y a rien à dire là-dessus. Pour vrai, je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. MMS.com, MMS.com, Facebook.com/MMS Canada. C'est importé par Mars Canada. Tu sais que M&M's c'est fait par la même compagnie que Mars. C'est bon jusqu'en avril 2018. C'est du chocolat qui est là pour durer pas mal. Les ingrédients, bon, bien sûr, chocolat au lait, lactose, un paquet de trucs comme ça. Peut contenir des arachides, parce que c'est pas dans la même usine que des M&M avec des arachides à l'intérieur. Et il y a vraiment rien d'autre à dire, donc on va voir si ça vaut la peine de prendre des M&M avec du caramel, ou est-ce que le caramel ne sera pas assez présent, qui est, je pense, ma théorie. D'habitude, quand c'est au caramel, c'est pas tout le temps caramélisé, ben. C'est vrai, hein? D'après moi, il y a comme une mini-pastille de caramel. Ouais, dedans. Genre. Je m'attends à être déçu, j'espère. Les sacs, Mathieu, les sacs. T'as pas de talent. Oh, je l'ai eu. Il y avait une fente toute. Non. Non? Oh. Tu l'as ouvert à bas pas mal. Oui, je suis désolée. Je l'ai vraiment déshabillé. Oh, ce sont des gros M&M, là. J'aime ça. On aime le bruit des M&M. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que tu manges ça sent les M&M. Ça sent pas vraiment le caramel déjà en partant. Ça sent juste les M&M. Tu sais, les M&M aux peanuts? Ouais. Ça sent ça. Peut-être à cause de l'usine des peanuts. Peut-être. Est-ce que t'en manges des fois des M&M, Tania? C'est très rare. Ouais. Et mon Dieu, il y en a plein qui ont tombé, mais là, j'ai... Dans les cinémas, mettons, tu sais, quand tu veux amener un petit quelque chose de subtil dans le cinéma, là. C'est très rare, j'amène quelque chose au cinéma, je vais t'avouer. Ouais. Bon. Je suis plus genre à m'amener une bouteille d'eau. OK. sinon, peut-être que je pourrais m'amener des M&M. C'est vrai. Donc, c'est vrai qu'ils sont quand même assez grands, mais tu vois qu'ils ont vraiment pas fondu. C'est fait, comme on dit, les M&M pour fondre dans la bouche et pas dans la main. Ouais. J'ai un M&M en main. Moi, j'en ai un orange aussi, donc voyez la... Est-ce que tu crois que c'est une boule de caramel recouverte de coquilles M&M? Ça me surprendrait. D'après moi, il y a du caramel à l'intérieur d'une couche de chocolat. Probablement. On y va? Je voulais vraiment voir l'intérieur. T'as bien raison, c'est ça. Ah ouais? Ça goûte comme un rouleau. Ça goûte les... Ouais. Un rouleau, hein? Ouais, carrément. On goûte le caramel quand même. Oui, le caramel est bien présent. Je suis pas déçu. Je m'attendais à être déçu, comme j'ai dit tantôt, mais non, on se sent bien. Non, je suis pas déçu parce que il y en a quand même beaucoup de caramel dedans. Ouais. Chose qui est surprenante, parce que si tu regardes le M&M à la pretzel, il y en a pas beaucoup dedans. C'est vrai, j'étais déçu de ça. Mm. Mais ça, tu sais, le caramel, il était assez présent là, pour pogner dans les dents, ben comme faut. Ouais, puis c'est très mâchouillant. Hein. D'habitude, un M&M, ça se mâche facilement, là, c'est comme, faut que tu mettes de l'effort. Exactement. Mais j'aime ça, c'est très sucré. Ah, ben, je vais mettre un pouce dans les airs. Moi, mais, tu vois, il m'en reste deux devant moi. Puis, je vais avoir atteint mon taux de sucre là, avec ça. C'est beaucoup plus sucré qu'un M&M normal où je passe à travers le sac facilement. C'est ça. Ouais. Mais c'est peut-être une bonne chose. Peut-être, oui. Peut-être que la portion d'un quart de tasse, ça pourrait être approprié. Carrément. Gros max. 200 calories pour un quart de tasse. De tasse, c'est beaucoup. Oui, non, c'est vraiment énorme, là, pour vrai. Le sac en tant que tel est quand même assez, pas volumineux, mais quand même pas pire pour un sac. Tu vois, toi, t'avais croqué d'un coup sec dedans. Oui. Moi, j'avais coupé en deux. Mm-hmm. Puis là, je viens de croquer d'un coup sec dedans. Et carrément, le caramel sort encore plus. Oh, cool! Génial. Servez ça dans un party, là. Ouais, c'est bon, c'est bon. J'aime bien. Les M&M au caramel. Je pense que, je sais pas si ça va être mon préféré. J'aime bien mon classique peanut à l'intérieur d'un M&M. Ouais? Ouais, j'aime vraiment beaucoup ça.

Hein, tu vois, les intros sont très, très longues. Habituellement, je m'en sers pas pour aller faire une commission, mais là, c'est ce mais que là, j'ai fait. Un c'est bon, plus nécessaire. C'est quoi? C'est un bon 35, 39 secondes d'intro. C'est pour ça. Ça sert à ça. Bref, aujourd'hui, Tania, je te sors le produit que je suis allé cueillir tout à l'heure, qui est dans mon sac à magique. Il n'y a pas de marque de commerce là-dessus en passant. C'est, je ne sais pas de marcher sur les pieds de sac magique, la compagnie. Pas le droit. Non, je sais. Donc, je te sors des nouvelles m'en retendre. Je pense que j'ai déjà mentionné l'indice quelques fois depuis le début de l'émission qu'on allait être tendre ensemble. Donc, j'imagine que tu as fait un lien avec les barres tendres. Achète assez vite pour non, ça. Non. Tu pensais à quoi? Les biscuits? La semaine passée, tu nous es arrivé avec un splouche-plouche. Un spray d'embouche. Ouais, j'ai quand même passé à genre des jujubes. Ça aurait pu. J'essaie de varier un petit peu, là. Pas deux bonbons de suite. Du pain. Je sais pas pourquoi. Du pain. Oui, hein, c'est... ouais. Ah, c'est ça. Mais non. ce sont des barres tendres et t'as peut-être croisé ça à l'épicerie, ça m'a vraiment fasciné quand je l'ai vu. Ah non! Tu connais les barres tendres Val Nature sucrées et salées? Oui! Les meilleures au monde? Oui, les meilleures au monde. On va se le dire, c'est la seule marque que j'achète. Depuis que j'ai vu qu'ils avaient en boîte là, plus grosse que juste 5, là, as-tu vu les deals là-dessus? Non! Ils mettent en bas des rangées, ok? Mettons pour, je sais pas, 3 piastres, mettons, t'as comme 5 barres. Ouais. Pour genre 6 piastres, t'en as 12, genre, t'sais. C'est genre le... C'est sûrement mathématiquement pas bon, j'ai ce que je viens de dire là. J'ai jamais vu ça. Mais c'est souvent beaucoup moins cher d'en acheter plusieurs. Mathématiquement, c'était vraiment pas bon comme exemple. Mais ils ont aussi des boîtes de genre 24, 36, 42. C'est vrai, hein? C'est tout le temps dans le bas ou dans le haut des rangées. Ils veulent pas que tu fasses une bonne affaire. C'est ça l'affaire. Mais bon, c'est pas grave. Nature Valley, Val Nature, comme on les appelle en français, sucré-salé, ils viennent de sortir une nouvelle gamme. Je dirais un nouveau produit. J'en ai pas vu d'autres, fait que c'est probablement pas une nouvelle gamme. Un nouveau produit. Qui est à la noix de coco grillée. Oh mon Dieu! Ça va être excellent, avec enrobage au beurre d'amande. J'ai déjà goûté à quoi? Ils ont amande qui est excellent. Oui, très bonne. Arachide. Oui, aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Noix mélangée. Noix mélangée. Je crois. Pas mal ça. Les autres sont... T'as un mélange du randonneur qui est vraiment très bon aussi, mais qu'il n'y a pas de petit beurre de peanut dessus. Hein? Non, mais il y a du beurre d'amande. Beurre d'amande, oui. Et il y a les espèces de contreplaqués, là, comme du bois. Là, tu mâches ça, puis ça fait comme le pire des dégâts. Oui. Quand tu réussis à la croquer. À peu près. Et ça, je te dirais que j'en ai mangé une fois. C'était assez, c'est ça. Je comprends pas les gens qui... Non, c'est comme les Weetabix dans du lait, tu sais. Oh. Sérieusement, tu te punis toi-même. Ah ouais, c'est sûr. Puis c'est pas vraiment bon. T'es régulier, mais régulièrement vraiment mauvais dans la bouche. C'est ça, exactement. Bref, on tourne vraiment en rond avec ça. Mais 5 barres tendres, donc à la noix de coco grillée. On voit une belle petite, des petits morceaux de noix de coco sur l'emballage. On voit le beurre d'amande qui vient recouvrir le bas de la barre. Pour ceux qui n'ont jamais vu une barre Val Nature, là, elle est caractéristique avec son petit genre de crémage, son glaçage de beurre d'amande en dessous. C'est tellement fantastique. Oui, vraiment. Donc, ça peut procéder des petites retailles, un petit peu comme quand tu tailles un crayon, là, mais de noix de coco. De noix à de place, coco. Si on veut. Ouais, ça existe encore. C'est merveilleux, des chips de coco. Oui, hein? Ouais. Il y a zéro détail dessus. Je peux lire un petit peu parmi les ingrédients. Là. Évidemment, on retrouve les arachides grillées, sirop de maïs, sucre, avoine entière, huile de palmiste, noix de coco grillée, farine de riz, blé entier, etc. etc. Ça contient des ingrédients de l'arachide, des substances laitières et des ingrédients du soya, de l'amande, du blé, de l'avoine et de l'orge. C'est produit par la corporation General Mills Canada. On parle d'une barre de 35 grammes pour 170 calories. Ça dit que les produits, hein? Les produits Val Nature ne sont pas tous faits dans les installations sans arachide. On veillait toujours lire l'étiquette attentivement. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est fait avec de la vraie noix de coco, nous dit-on, dans une petite bulle sur le côté. Comme je dis, il y en a 5. Et là, je crois que j'ai vraiment fait le tour. Tantôt, j'ai dit que j'avais fait le tour. Là, c'est vrai. Il n'y a rien d'autre. Val Nature, sucré et salé. Je vais te le lancer, ça va aller mieux. Yep. Et voilà. Es-tu bonne en cash? Hein? Ça n'a pas de sens. Donc, Tania, elle arrive au micro magique, celui qui rajoute vraiment beaucoup trop d'écho dans notre voix. Oui! C'est comme ça, que voulez-vous? Celui-ci. Le micro magique est prêt à entendre l'ouverture de cette boîte Val Nature. Elle est en carton solide. Oui. Plaisant en passant. Voilà. Et l'intérieur, si tu peux remarquer, Tania, avant de l'ouvrir, c'est pas les boîtes où tu fais juste flipper les barres. Là. C'est celle qu'il faut que tu déchires toi-même le pointillé, comme un employé de Val Nature. Ça me gosse un petit peu. C'est en pas fait. Ma job d'ouvrir ça, là. C'est ça. Hein? Puis, anyway, si moi je l'ouvre, c'est sûr que ça déchire de partout, mais c'est là, ça. Je l'ai eu. Tu assumes ton talent. Mathieu, en prends-tu une à deux? Ou t'en veux une complète? J'en prends une pour moi. C'est ça. OK, je te la pitch. Merci. Bon. Et voilà. Moins bon lancé qu'attraper, toi, par contre. Hein? J'étais mal enligné, mettons. C'est le but d'être lanceur, c'est d'être enligné. Hein? Ouais, mais j'ai fait ça sur le fly, là. Ah, OK. Wow. L'improvisation. Exactement. On t'écoute ouvrir ça. Ah, pas si pire, 170 calories. Oui. Je l'ai vraiment ouvert comme une pro de la... Tu l'as ouvert comme dans les... Tu sais, les publicités de barres de chocolat? Oui. Qui font comme... Vroup, puis ça ouvre, tu sais, comme tout droit, là. Vroup! C'est à peu près ça qu'elle ça a fait. Ça sent vraiment très bon, en passant. Je sens aussi, attends un peu. Oh, hein? Elle est puissante, la noix de coco, hein? Mais je pense que ben, tu peux... je trouve que c'est le petit beurre d'amande qui sent plus. Tu trouves? Non, moi, je sens vraiment la noix de coco. On dirait que la noix de coco, c'est un des parfums que tu peux pas sentir. Ah, oh, moi, j'adore la noix de coco. Là, si je pouvais me baigner dans de la noix de coco, je pense que je le ferais. J'aime ça, mais le parfum, je le trouve trop intense. Les gens qui mettent du noix de coco comme parfum, c'est parce que tu tannes tellement. Mais c'est parce que ça te prend un homme quelque chose à mélanger avec. Ah oui? Tu fais quoi, noix de coco et quoi, toi? Lime. Ouh, fancy. Mmh. Un jour, ouais. Peut-être que Val Nature fera des bartendres comme ça, noix de coco. Les mes noix de coco. Est-ce qu'on goûte? On goûte. Toujours bon, Val Nature. Oh mon Dieu! Ah, mais c'est vraiment intense. J'aime ça. Le goût de la noix de coco là, oui. Est excellent. Ça t'atteint directement au bon endroit. C'est pas fade, c'est pas non plus trop fort. C'est juste correct. La texture est pareille comme les autres barres Val Nature qu'on adore déjà. Ça fait vraiment le travail. J'aime beaucoup les Bounty. Et ça goûte étrangement comme une Bounty, même s'il n'y a pas de chocolat dedans. C'est vrai. À cause de la noix de coco. À cause de la noix de coco. Exactement. C'est réussi, ça. Je suis revenue à mon poste habituel. J'ai vu ça, tu sonnes beaucoup mieux dans celui-là. Oui, hein, en effet. C'est vraiment excellent. Ouais, vraiment, là, je pense que ça va être une nouvelle sorte à essayer une fois de temps en temps. OK, oui. Je sais pas si j'achèterai une caisse de 36 ou 42, comme j'ai dit tantôt. Moi, oui. Ah oui? T'es si... Je suis une noix de coco que ça. Ah oh, ouais. Non, moi, j'aime garder mes petits classiques, là. Arachide, amande, en rotation des fois. Comme là, cette semaine, il y avait un spécial. Tu sais, tantôt, je t'ai parlé des plus grosses boîtes qui coûtaient moins cher. Cette semaine, il y a un spécial. Les deux boîtes, tout petites, coûtent moins cher que la grosse boîte. Ah, bon, fait que faites attention, magasinez un petit peu. C'est une bonne chose. Mais moi, c'est vraiment... je pourrais pas vivre sans mes Val Nature sucrées salées. Donc, j'étais vendu d'avance, mais... Tu sais, clairement. Quand ils font des bons produits, ils peuvent pas vraiment se tromper. Non. À part pour le contreplaqué. C'est vrai. Non. Il y a juste le contreplaqué qui... On l'aime pas. Non, pas tout. Donc, moi, je mets un gros pouce en l'air. Si je pouvais en mettre deux, je le ferais. Mais moi là, aussi. Notre système, c'est en l'air sur le côté en bas. Donc, côté ou en l'air ou... En l'air. Tout le monde en l'air. Tout le monde en l'air. Tout le monde en l'air. Voilà. Donc, c'est les excellent. Barres tendres, Val Nature, sucré, salé, noix de coco. David Perron est toujours en sieste oui. En ce moment. On essaie de ne pas parler trop fort pour ne pas le réveiller. Il est sur le divan du studio. Vous allez peut-être pouvoir l'entendre. Ben oui, parce qu'on a un journaliste sur le terrain. Qui est en direct juste à côté du divan. Évidemment, bon, pour l'instant, David ne ronfle pas. Malheureusement, on aurait bien aimé vous faire entendre ses ronflements, mais non. Tania, je vais te révéler le produit tout de suite. OK. Et tu vas pouvoir t'en servir pour aller réveiller David. Okay? C'est vrai? Oui, mais je veux qu'il fasse comme si c'était le matin. OK. Okay. Bon. Donc, aujourd'hui, je te présente... Est-ce que tu as vu ce produit-là? Non. C'est les céréales Cookie Crisp. Ooh. C'est nouveau en épicerie. Ici, ça, c'était déjà disponible partout ailleurs, pas mal, hein, aux États-Unis, mais c'est la première fois qu'on voit ça au Canada. Donc, ça nous dit sur la boîte, le bon goût des biscuits aux brisures chocolatées et du lait. Donc, les biscuits goûtent le lait, je comprends pas la phrase. OK, ouais, non, moi non plus. Donc, c'est supposé être des biscuits aux brisures de chocolat que tu mets dans ton bol avec du lait. C'est pour ça que j'ai demandé des verres de lait. OK. Tu comprends? Mais on n'a pas de cuillère. On n'a pas de cuillère. On va boire. c'est ça. J'ai pas pensé à ça. Mais non, hein? C'est mon genre, hein? Ouais. OK. je vais mettre l'intro. C'est bon. Tu vas pouvoir courir. Okay. Comme on aime ça, faire ça. T'as 45 secondes. Okay, après bon. Ça, on va revenir puis on va réveiller David. Okay. C'est une grosse pointe en dresse et ça commence tout de suite, mais pas trop fort. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe en dresse. Donc c'est une grosse pointe en dresse. Comme je disais tantôt, David Perron est en train de dormir sur le divan. Et on a des cookies crisp à goûter. C'est des céréales en biscuits de brisure de chocolat qu'on va mettre dans notre verre de lait. Ça peut contenir les ingrédients du blé, nous dit-on. Parmi les ingrédients, maïs entier, sucre doré, semoule de maïs dégermé, huile de canola riche en gras monoinsaturé et autres trucs comme ça. Merci pour les cuillères, Tania qui est de retour parmi nous. Ça fait plaisir. On a fait ça très subtilement, c'est pas pour rien que les intros sont super longs. On nous dit sur la boîte, Tania de Cookie Crisp, que les biscuits ont été agrandis pour en montrer la texture. OK. Fait qu'ils sont peut-être plus petits que ça. Je te donne la boîte et ce qu'on voulait faire, étant donné que David... Si je te lance, ça va faire du bruit. OK. Yep. OK. Donc là, David dort sur le divan. Et Tania, non, je veux que tu ailles brasser la boîte d'en face de David pour le réveiller. OK? Attention, le micro est ouvert. OK. David qui est sur le divan du studio. Il dort solide, là. Il bouge pas d'un poil. On entend bien la boîte, là. Ça fait du bruit. Il... T'as brassé le plus fort que t'étais capable de faire? Oui, mais je veux pas briser les céréales qu'il y a dedans. Okay, ben, Colin, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? David est mort, je pense. David! David! David? David? Oh, oh voilà. Hey, lève-la. Voilà. OK, fais attention au micro. David, est-ce que tu es bon matin? Viens déjeuner, David! Viens déjeuner! Le déjeuner est servi! Ding, ding, ding, ding, ding, ding! Est-ce que j'ai l'eau? C'était sûrement la pire sieste que j'ai jamais vécue. C'est sûr que c'est le pire réveil que j'ai ouais. jamais non, mais pour vrai, il dormait alors qu'on jouait la musique plein volume la plupart ouais. du temps. Mais bon. C'est vrai. Donc, on ouvre la boîte de Cookie Crisp. David, ça va valoir la peine de te réveiller pour ça. C'est des céréales. Il n'a pas content qu'on l'ait réveillé. C'est des biscuits. C'est des petits biscuits que tu mets dans le lait. Avoue que ça a l'air bon. T'as un micro, tu peux rester assis sur le divan. Là. Fais ouais, comme... T'as un micro par terre. Fais comme si t'étais genre vraiment chez vous. Là, c'est ça la radio, c'est fou. Là, on t'a donné le micro reporter. Non, reste comme ça. Touche pas. Comme ça. Ok, reste couché, c'est bon. Ça sent même pas les biscuits. Ça sent pas les biscuits. C'est un peu plate. Ça ressemble à des. Ça ressemble à des crottes de hamster. Je pensais que t'allais dire d'autres choses. Pas des crottes d'hamster, de la bouffe d'hamster. Ouais. Ouais? Ok, bouffe d'hamster, j'aime ça. Ça ressemble à un fou. J'ai essayé d'en verser dans le... Ok. Là, j'ai demandé à Tania de prendre des verres trois quarts pleins. J'aurais pu y aller demi-plein. Hein. Ouais. Mais bon. Donc, c'est des verres de la Chasse Galerie, bien sûr. On les remercie pour leur participation à cette chronique-là pas mal fréquemment. Surtout avec ma légendaire préparation avant les chroniques. Hein? Tout ça en dedans de 45 secondes. 45 secondes d'intro. Bon. Donc, Tania, la raison pour laquelle elle est loin du micro, c'est pour qu'on entende verser. J'en ai vraiment mis beaucoup. C'est vrai qu'ils sont petits, hein? Ouais, ils sont vraiment plus gros. Petits. Est-ce qu'on voit bien les pépites? Ils n'ont pas l'air oui, si grosses. Oui, il y a comme deux ou une pépite par céréale, mettons. Ouais, c'est un peu décevant, par contre. Je dois dire. Là, j'essaie de faire en sorte que ça ressemble vraiment à un bol de céréales. Ça ressemble à des petites... T'as raison, tu sais, des petites palettes, genre... Oui! Ou encore, tu sais, les trucs que tu mets en dessous d'une bibliothèque pour pas qu'elle bouge. J'aime bien les imbiber comme dans un vrai bol. Oui, bonne idée. Je vais aller l'emmener à David. Ah, alors. Vas-y, oui, non, mais c'est correct, là, David, faut. Tiens, on David! Ménage. Oh, on va te faire des toasts après. Puis un café. Tiens, Mathieu! Merci! On dirait une mère qui vient servir ses enfants. C'est beau. Bon. Je retourne à mon poste. Oui. Voilà. Ça, la radio en surround sound. Ouais, c'est on fou, hein, cet après-midi. OK, donc on trempe vraiment les biscuits. Ouais, j'ai essayé vraiment là, de pouvoir faire en sorte que et ça, là, ça ait l'air de céréales. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, que les pépites de chocolat ont l'air uniformément des petits ronds picotés et vraiment non pas très... des pépites de chocolat? Ouais, vraiment très plates là, comme pépites de chocolat. C'est pas le genre de pépites que tu t'attends à voir sur la boîte. On dirait vraiment des mini-biscuits. Ouais, mais c'est pas ça. Hein. Ils l'ont dit, grossi pour... Côté senteur, t'as dit que ça sentait pas vraiment. Hein. Mais un coup, c'est dans le lait. Oui, ça sent plus. Ça a l'odeur des vrais biscuits pépites de chocolat le traditionnel. T'sais. Un coup dans le lait, là, je vous l'avoue. Ouais. On y va? Go. Hum. Oh, mais c'est pas mauvais. Ça goûte, qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte. Les céréales. Ça goûte les céréales, genre. Tu mettons les. Alphabits. C'est ouais. des céréales un peu straight, là, tu sais, qui n'ont pas grand chose d'original dedans. Les Cheerios. Les Cheerios, ouais, j'avoue. Ça goûte pas les pépites de chocolat, je trouve. Non. David, qu'est-ce que ça en passe? Tu peux crier, hein, t'as le droit. Tu peux parler fort. La même chose. Même chose que nous autres. Ouais. C'est pas mauvais. C'est la base du biscuit est cool. Puis, en tout cas, j'imagine qu'ils ont trouvé une façon de faire qu'ils vont pas ramollir dans le lait. J'ai envie de les laisser aller un petit bout de temps pour voir s'ils vont devenir aussi mous que probablement des biscuits dans un vrai bol de céréales. Je peux tester. Ouais. Moi, je sais que je déteste quand mes céréales deviennent molles. Mm-hmm. J'aime pas ça. Je serais plus portée à les manger... Sec, hein? Ouais, sec. Pas j'avoue, de lait. Comme collation, je pense que ce serait probablement ouais. meilleur. Mais un verre de lait comme ça, ça va sûrement bien réveiller aussi. Moi, en tout cas, je pense que c'est réussi. Peut-être pas en acheter très, très souvent. Non. Parce que clairement, ça a pas l'air d'être... les céréales les plus nutritives. Non. Ce qui m'a surpris, par contre, c'est que ça a l'air d'être nouveau au Canada, mais à mon épicerie, il était vraiment situé sur la dernière tablette du haut, pour pas qu'on les voit, on dirait. Je sais pas. OK. Mais bon. Déconseillé par le groupe alimentaire du Québec. C'est peut-être ça. Donc, je dirais, mon verdict, pas mauvais, pas super bon non plus. J'hésiterais à mettre mon... soulève-le d'un coup sec, moi, s'il te plaît, David, merci. Ouais. Parce que c'est la base qui fait du bruit. Je pense que je vais faire un test, puis le tester sans lait. Bonne idée. David, tu dirais pouce en haut, côté ben, moment? En fait, je serais comme, mettons, ces biscuits-là, l'attitude qu'on aurait, ça serait comme, la visite serait chez nous, je serais courtois, mais pas chaleureux. Ouais, c'est ça, comme moi, finalement. Tu leur offrirais pas ça pour déjeuner? C'est jeux qui partent, oui. Ben, si c'est mon neveu de 7 ans, ouais. Ben si c'est ça. Ma mère, non. C'est probablement les seules personnes qui seraient vraiment super attirées par ces céréales-là, puis je pense que même eux seraient déçus un peu. Ouais, même sec... J'ai de la misère à mettre mon pouce sur le côté, j'ai quasiment envie de le mettre en bas. Ben, moi je le mettrais pas en bas. Je le mettrais au trois quarts. Ah, oh, ben là, attends un peu. Ah, là. Trois quarts. Non, c'est en haut, sur le côté ou en bas, là, on va pas okay, jouer avec les règles. Ben, je vais en bas d'abord. C'est adéquat. Ouais, je pense que je vais aller en bas aussi. David, tu fais quoi, sur le côté? Ouais, de côté. Bon, tu vois, t'es un gars généreux, toi. Tu peux pas manger un bol de ça avant d'aller travailler, là. C'est pas assez nutritif pour t'emmener non. jusqu'à midi, puis, mettons. Non, puis c'est pas assez sucré pour un déjeuner de fin de semaine non plus. C'est comme ça s'adresse à qui? Tant qu'à faire, faites-le okay, comme OK, toi, la fin de semaine, tu manges un déjeuner sucré. Ben oui, mais la fin de semaine, je mange des Lucky Charms, comment? OK, c'est... Des croques cannelle, des croques pain doré. Je vois. C'est moi, ça, j'ai 12 ans. Oui, j'ai le goût de m'acheter des céréales pour en vrai. Mais c'est tellement bon, je te le conseille. Pour vrai, les boîtes de les grosses boîtes de la Kitchen. Les best, là, c'est les Captain Crunch. C'est vrai que c'est bon, mais ça fait vraiment mal au palais. Ouais, je sais, hein. Moi aussi, ouais. Ça me faisait ça quand j'étais jeune. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé des Captain Crunch, mais... La vie est difficile, hein, pour les gens du First World. First World Problems. Ouais. Bref, David, j'espère que tu nous en veux pas trop de t'avoir réveillé comme ça. Ben non. On t'a réveillé quand même avec de la bouffe, ouais. Chose qui devrait te faire plaisir. Oui, merci beaucoup. Je trouve plaisir. Ça très chaleureux, Tania. Merci. Bravo. Est-ce que finalement, c'est avoué, Tania Baudin est une femme voilà. Chaleureuse. Est-ce que... Non, ton attitude l'était, pas toi. C'est ça, hein. Est-ce que tu l'as entendu brasser la boîte de céréales dans ta face tantôt? Non. Non, pour parce que c'était comme ça qu'on voulait te réveiller. Parce que j'ai quand même brassé la boîte de céréales 5 fois ouais. Dans ton visage. Ah ouais? Tu dormais oui. Fort. Ah, j'aurais pu me faire faire des... Ah, c'est troublant. Mais non, tu vois bien qu'on est juste là pour te faire du bien. Attends, oui. Dis-moi, oui. Ça a l'air bizarre. Ben non, c'est le fun. Ben merci ouais, pour les bon. Biscuits. Fait plaisir, merci d'être avec nous. Oh yeah! Quels sont plaisants de frapper sur la table pendant l'intro d'une grosse pointe d'adresse, la chronique où on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en pharmacie, en épicerie, en dépanneur, quelque chose de malsain trouvé dans les rangées qu'on ne devrait pas fréquenter. Et David Ferron est avec nous aujourd'hui, étant donné que Tania n'est pas là. Salut. Bonjour à toi. Et tu vas goûter avec moi aujourd'hui à quelque chose de comment dire, de délicieux, j'imagine, de pétillant. Oui. Tantôt, dans la chronique de Tania, on parlait de choses à boire, donc ça m'a donné l'idée de sortir ça de mon tiroir. Ça fait quand même quelques petites semaines que j'ai acheté ça. C'est d'ailleurs spécial dans un dépanneur local. Tu connais les liqueurs croche à l'orange? Oui. Tout le monde aime l'orangeade, je pense, la plupart des gens. Ah, moi, j'adore. C'était quand j'étais petit, je dis pas ça parce qu'on est en onde, mais c'est vrai, c'était ma liqueur préférée. Tu sais, en fait, ça dépassait le Coke, le Sprite. Oui. Ben, je trouve que c'est une liqueur d'occasion spéciale où quand tu veux te gâter, tu prends une liqueur orange. C'est une bonne liqueur de party d'enfant, des trucs comme oui. Ça. Mais bref, tu connais aussi le croche au raisin. Oui. Qui est encore plus spécial. C'est rare qu'on boit ça. Mais ça goûte bon. C'est très bon. Avec du Libanais. Il y a un restaurant libanais local qui a de la liqueur au raisin. Ah oui, ça c'est cool. Très bon. Aux fraises. Oh, ça, je suis pas familier avec ça. C'est quand même bon. Qu'est-ce qu'il y a aussi, croche? Il me semble qu'ils font du crème soda. Oui. Bon. Est-ce qu'ils font de la wood beer? Non. Je crois pas. Mais ce que j'ai ici, ce sont deux produits spéciaux qui sont en édition limitée. Donc, saveur en édition limitée, limited time flavor. On a du croche à la lime. Oh! Et on a du croche au melon d'eau. OK. Je sais pas trop à quoi m'attendre. D'habitude, la saveur artificielle de melon d'eau me plaît. OK. D'habitude, j'aime ça. Ça goûte vraiment pas comme du vrai melon d'eau. OK, mais on pourrait mélanger les deux après. Ça ferait comme une espèce de mojito. Je vais voir si je pourrais avoir du thé à la menthe gelé de la chasse-galerie. Ce serait une excellente idée, je Attends. Pense. Ah, bon, David, tu prends le risque d'y aller tout de suite? Est-ce qu'on y va tout de suite? Est-ce que tu as une toune pour combler mon absence? Non, je vais combler l'absence moi-même. Oui, vas-y. T'es bon. Oui, on aime ça, remplir du temps, improviser comme ça, ça fait un petit défi à la radio. Hein? Donc, aujourd'hui, dans le bloc des nouvelles, on y va avec du Spotted, donc des affaires en rafale, ça tombe très très bien, ça nous donne exactement assez de temps. On commence au Canada, où Kellogg's sort des Fruit Loops au gâteau de fête.

deux invités. Il y a des semaines, on n'avait personne. C'est vrai. Tu sais, fait que là, on s'est dit, on va mettre le paquet. Parlant de paquet, David Ferrand est un paquet de troubles. Oh! Ben, merci beaucoup de m'inviter pareil. Ben, merci. Une chance que tu es là pour nous divertir. Ben oui, je suis content pareil, même si je suis un paquet de troubles. C'est ça. David Ferrand, ben, un bon paquet de troubles. Tu as un paquet de troubles sympathiques, ça te rend attachant. Rédacteur en chef du journal Zone Campus. Oui, puis d'ailleurs, est-ce que je peux en parler un petit peu, mais on... Alors, on va accueillir Marie-Hélène avant, ah, parce que... Si elle, salut! On dirait qu'elle ne veut pas parler sans avoir été présentée, je la comprends, c'est une professionnelle. Ah, oui. Donc, oui, Marie-Hélène Doyon, qui est chef à la chasse-galerie. Oui, bonjour! Est-ce que tu es chef en chef, on pourrait dire ça? Chef en chef. Chef en chef. Chef au carré, comme on l'appelle. Donc, c'est elle qui cuisine les gentils petits plats. David, évidemment, vu à travers mon sac, parce qu'il n'est pas capable de ne pas regarder. Regarder, oui. Un peu comme moi, quand quelqu'un laisse ses courriels ouverts dans ma face, ça se peut que je lise un petit peu le début. Oui. Peut-être que je prends des photos. Non, c'est pas vrai. Je ferais pas ça. Je ferais jamais ça. Mais non, t'es professionnel. Non. Absolument professionnel. Donc, il y a eu un petit peu à travers mon sac. Je me dis peut-être que je vais devoir m'acheter un meilleur sac. Oh! Marilyn a, je crois, entendu. Chips. Un petit peu. Non, j'ai pas entendu. J'ai vu un sac bleu. Ben, c'est ça, c'est que les sacs des Pringles. Les sacs de métro sont beaucoup trop transparents et déchirent à rien. Mais quand même, une nouvelle saveur. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de nouvelle saveur de Miss Vicky's. Saveur de parmesan et ail rôti. Oh! Non, ça a l'air bon, ça! Ouais. Donc, évidemment, fabriqué avec soin depuis 1987. Je me rappelle que la dernière fois qu'on avait essayé des Miss Vicky, c'était genre... C'était en 1987. C'est ça. J'étais pas très vieux. Étais-tu née, Tania? Non. Non. Nous deux, oui. Oui. Marilyn, on dira pas. Non. Non, c'est ça. On vous laisse entre jeunes. C'est ça, les jeunes millennials. Hein? Hein? Ça mange plus des chips, c'est pas assez date, les chips. Hein, ils mangent ça cru, des patates. Ben oui. Donc, aucun arôme ou colorant artificiel. Le sac est d'un très joli mauve. Ouais, ouais. Ouais, quand même, on a comme changé du rouge et du vert qui punchait. Absolument, moi je trouve que c'est un bon mauve. Donc, je trouve qu'il a l'air malade. Là. Oui, c'est un petit peu. Il fait mauve lila, désolé. Elle aime pas le mauve, elle aime pas l'intro de la chronique d'une grosse pointe à l'adresse. Mais je l'aime. Elle sac nos mousses le micro à terre tellement qu'elle les aime pas. C'est terrible. Ça se peut pas, là, ça se peut pas. Incontrôlable. Évidemment, c'est les mêmes textes pas mal tout le temps en arrière du sac. Là, c'est pas grand chose de nouveau. On dit que le tout premier sac de croustilles Miss Vicky's a été produit au Canada en 1987. Et depuis... C'est canadien? Oui. Je savais pas. Nos croustilles sont toujours cuites à la marmite, une petite quantité à la fois à partir de pommes de terre cultivées à la ferme. Nous avons élaboré notre recette avec soin en utilisant des ingrédients simples et de qualité. De plus, notre emballage spécial permet de préserver la texture croquante et le bon goût frais de nos croustilles. Essayez toutes nos saveurs exquises pour vivre un moment de collation unique. Nous espérons que vous en deviendrez des mordus comme nous. Sincèrement, et c'est signé de la main de Miss Vicky. Ouh! Pas n'importe qui. J'ai eu un petit bug avec petite marmite. Ouais, c'est ça. je doute fort bien que ce soit une petite marmite. C'est pas très pratique comme façon de faire des chips. En tout cas, ça doit trois être fois. Long. C'est ça. Ça doit être une maudite de grosse marmite. Pas mal, ouais. Sans gras trans, pauvre en gras saturé, aucun arôme ou colorant artificiel, sans ajout de conservation, sans cholestérol et fièrement cuite à la marmite au Canada à partir de pommes de terre cultivées à la ferme. Il y a vraiment rien à lire, là. Fabriqué avec soin, ingrédients, pommes de terre spécialement sélectionnés, huile végétale, assaisonnement. Et quand l'assaisonnement, c'est tout le reste des ingrédients. Contient les ingrédients du lait. Donc, évidemment, Tania et moi, toujours un petit commentaire à dire là-dessus. C'est marqué nouveau dans le coin. Je crois que le sac qu'on a testé il y a 2 ans a eu le nouveau dans le coin pendant un maudit bout de temps. Oui. Donc, on va... devrait rester nouveau, ça aussi, un bon bout de temps. Tu sais, des fois, on se demande pourquoi David quitte en plein milieu d'une conversation. Mm-hmm. C'était pour aller chercher des serviettes de table. Ah, d'accord. Des serviables. Ben oui. T'sais? Ouais. On peut pas dire le contraire. Il est pliable. Si tu le plies, il va faire un signe. Comme une serviette de table, David. OK. Si on fait de l'origami avec. C'est ça. Avec moi ou les papiers? Avec toi. Toi, ouais. Ah ouais? Ton corps. Et moi, j'en ai pas. Ouais, c'est ça, t'en as comme pas de. Ouais? Non, parce que toi, t'es vegan écologiste. Oh! Ben, j'ai pas de mots. Non. Ils sont biodégradables. Ah oui? Non, je sais pas. Mais non, c'est des choses, là. Si elle quoi, elle va s'essuyer son bandana. C'est ça que tu vas faire, hein? Et voilà. C'est, oui. C'est pratique parce que c'est tellement salé qu'on n'a pas le choix d'avoir ça des napkins. C'est surtout tellement huileux. Oui, ben là, pas, on a même pas salé, juste huileux. On n'a pas encore ouvert le sac et on préjuge déjà le contenu. Ben, en temps normal... Oui, ben c'est ça, mais en temps normal, Miss Vicky's... C'est pas très gros. C'est moins fait que des laits. Dans leur petite marmite, c'est ça, va. Exactement. trois. C'est-tu qu'on passait à des Pringles? C'est pas mal huilé. Bref, on va ouvrir ça. Je sais pas à qui confier le sac. Là. Je sais pas qui est plus apte à moi, faire ça. Moi, je trouve ça. Qu'elle l'a bien. Tania, je te lance ça. C'est quand elle ouvre un produit, c'est tout en sensualité. Tout le temps. Ça fait toujours au micro aussi. Je veux pas les abîmer. S'il te plaît. Elles ont été faites une à la fois, à la main, façonnées avec un canif. Mais c'est marqué fabriqué avec soin, donc peut-être. Mais ouvert avec pas de soin partout. Parce que tu sais, ça se fabrique pas vraiment. Oh, vous entendez l'intérieur du sac en ce moment. C'est exclusif à C'est fou. Là. Oh, ça sent l'ail. Ça sent on pas mal l'ail. On a tous l'ail. Une haleine de cul. C'est exactement. Ça. Je démente. Tu sais ce que j'aime des Miss Vickies, là? C'est qu'elles sont toujours repliées sur elles-mêmes. Ah oui, c'est le fun quand ça croustille. Ben oui. C'est les meilleurs chips. David, c'est tu le prends-tu ou tu fais semblant? Merci. Il veut pas te déranger. Tu sais comment il est. Ben oui, mais là... Tania est vraiment tannée, je pense. Aujourd'hui, David, il a commenté mon... Elle a passé sa journée avec au kiosque des nouveaux étudiants. Là. Des fois, tu sais, ta jauge arrive au... full... au gauge de la limite. J'ai un bras pour me protéger. Ouais, c'est ça. Tu fais bien. Je vais le prendre par la gauche. Oh! Et voilà. Depuis qu'on a une table comme longue comme une piscine olympique, là, c'est difficile. Bon, donc, maintenant qu'on a chacun un échantillon d'une grosse montagne de chips, oui. On va en prendre une ou deux à la fois pour essayer de bien goûter. Pourquoi est-ce qu'ils disent que l'ail est toujours vert? Du moins, hein? Marilyn? Vous attendez la science, là? Ouais. Ouais. Ça dépend de la cuisson de l'ail. Okay. Ah! Si tu prends un... ça joue avec l'acidité de ton produit, puis l'assèchement de ton produit aussi. Si tu y vas sur un pain sec, ça se pourrait très bien que ça ton vrai. Ail devienne verte. Ah ben, maudit. Comme on dit, hop l'ail. On va se coucher pas mal plus intelligent c'est ce soir. C'était très mauvais. L'odeur... Ça sent les Miss Vickies, déjà oui. En partant. Ça sent le gras. Moi, je dirais crème sure et oignon. Ouais, ben moi aussi. Ça sent pas le parmesan. Absolument pas, mais tu sais, pour vrai, la sorte est parmesan et ail rôti. Ils ont tout le temps des noms fancy pour toutes. C'est probablement l'équivalent de crème sure et oignon. Et ça m'attire, le parmesan vient comme remplacer un petit peu la crème sure dans le produit laitier. Ok, on y va. Ça goûte les ramen. Tu sais, pas mélangé avec l'eau. Ouais. Oui. Mais ça goûte la crème sure et oignon. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais le parmesan, le goût, il y a quand même un petit goût de fromage fort. C'est la finale. La finale en gorge. Je te dirais, goûte plus le fromage. Ah ouais? Ouais. La finale en gorge, toi? La finale en gorge. Moins que d'autres, mais bon. Ouais, ça goûte l'ail, par exemple. Ouais, l'ail est présent. L'ail est très présent. J'aurais aimé ça que le parmesan soit un petit peu plus présent. C'est léger. Il est là quand même, mais il est léger. C'est pas agressant. Je pense que s'il y en avait trop eu, ça aurait peut-être été agressant. Faut que tu pommes la bonne chip. Oh, elles sont différentes. Oh. Ouais. Il y en a qui ont pas autant de parmesan que les autres. Ça a été saupoudré comme une poudre de parmesan, tu crois? Je crois que oui. Quand ils les ont fait trois à la fois en marmite, il y a des troupes de trois qui ont eu plus de parmesan. C'est ça. Tu sais, des petites marmites, là, des fois. Ils me lavent grand, hein? C'est ça. Moi, je les aime beaucoup. Ils sont très bonnes. Ils sont très mangeables, mettons. Ouais, c'est comme ça. Tu sais, tu peux pas t'asseoir devant une nouvelle série télé avec ton sac à côté de toi. Tu le finis. Tu le finis. Les sacs sont quand même bien remplis, Miss Vickies. Ouais. D'habitude. C'est quand même... non, ça a du sens. Je dirais que c'est peut-être la moitié du sac, mais c'est l'habitude qu'on a des sacs de chips à remplir à moitié. Hein? Mais les Miss Vickies, comparé à plusieurs autres chips, elles bourrent. Ouais. Vous avez déjà remarqué? Ah oui. Non, c'est vrai. Quand même, non, mais tu sais, je mangerai pas deux sacs de chips. Maintenant. C'est ça. c'est vrai. Quand je suis plein, mettons, les Lay's sont tellement pas épaisses que t'en manges. Les Pringles, je mangerais facilement deux cannes. Mais ceux-là, regarde l'épaisseur. Oui, c'est consistant comme chips. David en a pris une vraiment gonflée d'air. Je pense que c'est un des styles que j'aime aussi. Repliée sur elle-même et remplie d'air. J'adore. Ça, que ce soit des chips ou des gens. Oui! C'est parfait! Mais je peux-tu dire une niaiserie par rapport à ce genre de. Pourquoi est-ce qu'on commencerait à dire des niaiseries? Là? Franchement, on n'a pas fait ça d'émission. Bon. Pour augmenter la patience de Tania. Oui, vas-y. On va voir jusqu'où tu te rends. Bientôt vendredi. Donc, imagine, je suis pas encore à temps plein. Hey, oh, hein? Il est temps que je parte en vacances. Donc, là-dessus, en fait, ce qui est le fun avec les chips repliés sur elles-mêmes épaisses, c'est que la langue, j'aime ça, des fois, attendre que ça fonde. Ah, okay. Que ça fonde. De jouer aussi un petit peu avec la langue, juste pour avoir la texture, le goût aussi. Tu veux te mettre la langue dans les raccoins. Oui, exactement. Mm-hmm. Parce que je suis affamé. C'est ça. Mm-hmm. T'as besoin d'exercice de langue. Ouais. Tu sais. Miam. Marilyn, opinion, toi, pouce en l'air, pouce en bas ou sur le côté? Pouce en l'air pour Marilyn. David. Pouce en l'air. Tania? Pouce en l'air. Et pouce en l'air pour moi, un quatuor de pouce en l'air. Ça mérite une ronde d'applaudissements. Pas de vassure debout parce que nos micros se rendent pas. Ouais, c'est ça, exactement. Merci, groupe, d'être resté, d'être venu juste pour ça. C'était c'est très juste fun. Des chips? C'était juste des chips. Oh! Là, là! C'était à toi d'amener de la bouffe. C'est ça. On voulait goûter à ton nouveau menu, puis les affaires, on n'a pas encore eu l'occasion de goûter, mais non. C'est pas vrai, j'ai mangé le pain vegan cette semaine. Je pense que j'ai mangé la plupart des nouvelles affaires. J'ai testé le tartare la semaine dernière et ce midi. Le vegan thai, j'ai goûté ça, c'était super bon. Le vegan thai. C'est ça, j'ai mangé aussi. Guacamole et tartare. J'ai goûté le jambon suisse aujourd'hui. Oui. Fait qu'il me reste plus grand-chose. Le Pokéball. Est-ce que le jambon suisse, là, c'est sur un croissant du panetti? Ah, il est excellent. Et le fromage suisse est vraiment épais. Il y a beaucoup de jambon. Pour vrai, il est vraiment remplissant. Là. J'ai du rattrapage à faire. Mais ben oui. Pauvre lui. Il y en a 6 sur le menu. T'as mangé combien de fois aujourd'hui? T'en as pour une semaine et un jour. J'ai pas encore mangé de la journée. Quoi? C'était levé à quelle heure? D'être pour ça qu'il est tannant. C'est ça, il va tomber mort, là. T'avais de s'effondrer, donne-y des chips. C'est ça. Moi, j'ai une heure et demie de sommeil, mais au moins, j'ai mangé. Ben, j'ai mangé cette nuit parce que j'ai un autre projet. J'ai plein de projets dans la vie. Attends, t'as mangé en plein milieu de la nuit parce que t'as un autre projet. Non, ben, c'est pour dire que tu m'as donné... prostitue, c'est ça? Veux-tu qu'on en parle? La langue des raccoins. Tu sais, moi, j'aime bien. J'ai hâte de manger les prochaines 6 de Marilyn, donc... OK. Ah, c'est donc bien bizarre, ben, c'est bizarre, ça, comme phrase, hein? Non. OK, on passe à un autre appel. Expliquez ça à vos enfants, tout le monde. Non, c'est un projet d'écriture sur un contrat que j'ai eu. D'autres projets. Fait qu'il y a hâte de manger. Mais dis-nous pourquoi tu manges la nuit, là. Est-ce que t'as littéralement mangé cette nuit? Non. Ben, grignoter. Est-ce que tu vas te partir une web télé de bouffe? Un blog la nuit. Il teste ses propres recettes. Genre, on mange la nuit, quelque chose comme ça, comme blog? Trois fois par nuit. Oh! Ça peut paraître louche. C'est tout le temps des saucisses. Tout le temps des saucisses, des petites trempettes. Avec un peu de crème. Ouais, tout le temps. Bref. Il y a beaucoup trop de choses qui se disent. Bon, on est rendu là? On a peut-être déraillé un peu. Je vais peut-être prendre quelques chips pour me calmer. C'est ça, je te vais. Gamin, ça. Ok, attention, je te lance. Faites attention, les gars. Faites attention. Eh, hey, bravo, il l'a eu. Bref, nos chips qu'on a goûté aujourd'hui, Miss Vicky's, parmesan et ail rôti, disponibles en magasin maintenant. Je les ai achetés à l'épicerie locale. Le sac est mauve pâle, je te dirais. Mauve lilas, lavande. Tu l'aimes pas, ce mauve-là? Moi, là, tout ce qui se rapproche de la lavande, j'aime pas ça. Ouais. Parce que je magasine encore pour une couleur pour le zone campus, puis je trouvais ça cute quand même. Non, je refuse. J'aime plus Tania. T'as plus Tania. Je pense que je préférerais qu'il soit brun qu'il soit mauve comme ça. Vous écoutez une édition spéciale d'Assemblage Requis sur une grosse pointe à l'adresse. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez une édition spéciale d'Assemblage Requis sur une grosse pointe à l'adresse. Avec Tania Baudin et Mathieu Planck. Maintenant, c'est une grosse pointe à l'adresse. Pour ça, les longues intros. Les longues intros. Mon sac était de l'autre côté de la pièce. Et me voilà arrivé avec mon produit dans mon sac en dessous de la table de notre bureau. La raison pour laquelle j'ai demandé à Tania d'aller chercher des verres et de l'eau. Oui. Tu te rappelles qu'en intro, j'ai mentionné que ça allait être une des choses qu'on aime le plus au monde. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as des idées de ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'on aime le plus au monde? Qui utilise de l'eau chaude? Le café? Le café? Ça approche d'être le café. Je pense, hein? C'est le café, ouais. Bien sûr. Ouais. Yeah! Donc,

vraiment, vraiment moins cher que d'aller chercher son café là, dans un petit café. Et oui, c'est correct d'aller s'en chercher une fois de temps en temps, mais c'est le fun d'avoir aussi un peu de fantaisie le matin et pas juste son petit Folgers quotidien. C'est pour ça que j'aime bien les capsules quand même. J'achète pas tout le temps les capsules originales, l'espresso, là, mais j'aime ça pouvoir varier. Mon café change de pays à chaque jour, j'aime ça aussi. Oui. Bref, donc Bones Coffee Company, c'est sur bonescoffee.com. Ils ont coché moulu là-dessus, tu sais. Coché la case moulu. Pas se tromper. Au toucher, on pourrait se tromper. Ben, c'est ça, c'est tellement pareil, tu sais, en grain ou en. Ou moulu. C'est ça, à tâtons. Hein? Merci, Stéphanie Paradis. Ben, ça fait plaisir. D'avoir participé à la chronique, une grosse pointe d'adresse. Je pourrais pas donner une note exacte, étant donné qu'il est peut-être pas infusé assez fort. Mais ben, on va lui donner une note de café. De goût, c'est... Note de c'est café. Bon. Donc, voilà pour une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique où on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit que j'ai laissé dans mon tiroir après l'avoir acheté en épicerie, en pharmacie, en dépanneur, peu importe. Et aujourd'hui, Tania, je vais t'apporter quelque chose de sucré. D'accord. Parce que dans les précédentes chroniques, si vous étiez avec nous tantôt, on a parlé de gaufres, on a parlé de chocolat chaud, on a parlé de plein de choses sucrées. Je me suis dit que quelque chose de salé, ça ne fitterait pas vraiment avec ce qu'on a discuté. Ouais, t'as raison. On s'est donné une petite envie de sucré et j'ai apporté quelque chose qui a l'air vraiment bon. C'est pas super original comme produit, mais j'ai hâte de voir la qualité du produit. OK. Parce que c'est de la compagnie OMG's. On a déjà goûté à ça il y a quelques années de ça. Ouh là là! C'est vraiment très très bon d'habitude de ce que OMG fait. Cette fois-ci, ce sont des pretzel clusters, donc des bouchées de bretzel au beurre d'arachide avec chocolat au lait. Ouh! L'emballage fait produit maison, genre le choix du président, super cheapo. Donc, c'est blanc avec des genres de tourbillons gris. Une seule barre orange avec le logo OMG's. Le reste est en brun et orange. On s'entend brun et orange, les couleurs des Reese's Peanut Butter Cups. Ouais. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont choisi ça. Les gens savent que brun et orange, ça veut dire beurre de peanut et chocolat. C'est vrai. Ça a du sens. Ici, il y a du chocolat dans le sens qu'il y a un petit genre de drizzle, un petit coulis de chocolat par-dessus les bretzels. C'est ce qu'on voit en tout cas sur l'emballage. Ça a l'air d'être, étant donné que c'est des bouchées ou des clusters, c'est comme un ramasse. C'est comme une crotte de bretzels au beurre d'arachide et par-dessus le coulis de chocolat. OK, ce qu'on dit en arrière, vraiment pas grand-chose. Ça dit que ça peut contenir ça contient du lait, du blé, du soja et des arachides. Ça peut contenir des amandes ou d'autres noix. C'est par la compagnie OMG's Candy Inc., qui, je ne savais pas, est canadienne. C'est de Winnipeg au Manitoba. Ah ouais, je savais pas. Ouais, quand même. Pour 8 morceaux, je trouve que c'est quand même beaucoup, 8 morceaux. Là. Je sais pas qui va manger 8 morceaux à la fois. De ça, c'est très sucré, j'imagine. On dit 200 calories pour 40 grammes. Mais ce sont littéralement les seules informations, à part les ingrédients. Il y a rien à dire. C'est bon jusqu'en mai 2018. Ah, mon Dieu, OK. Je te lance ça. Lance-moi ça. Et le micro magique. Ben oui, clairement. Bien sûr. Celui qui met certainement de l'écho partout dans nos voix. Vous entendez bien? Très bien. C'est un petit souhait. C'est un peu raté. C'est un sac à fermeture éclair. Oui, à fermeture éclair. Oui, quoi? C'est ça le mot? Ah ouais, même avec ça? Je sais pas. Je croyais qu'une fermeture éclair, c'était automatiquement un zipper. T'as raison. Communément appelé un zipper. C'est un sac refermable. Oh là là, ça sent le bed peanuts. Je vous le brasse. Merci, merci. C'est le support auditif. C'est quand même des gros morceaux, hein? On s'est tiré d'un bout à l'autre de la table. Voilà, j'ai donné le sac à Mathieu. C'est mon bruit de personne âgée. Oui, c'est ça. Okay, donc, j'en prends un moi aussi. C'est quand même, je m'attendais pas à des gros morceaux comme ça. C'est extrêmement gros et sur le sac, ça paraissait pas vraiment, mais j'ai l'impression que les bretzels sont complètement dippés, trempés dans le beurre d'arachide. Ouais, parce que en tout cas, moi, j'ai pas l'air d'avoir de bretzels. Ça, on voit pas le bretzel au travers, c'est vraiment particulièrement trempé. Et le petit drizzle par-dessus, le petit coulis de chocolat, a l'air d'être bien imprégné dedans. Là. Très bien imprégné. C'est en effet un cluster, c'est une bouchée. Ouais. Okay. Ben non, c'est plus comme deux bouchées. Genre, l'odeur, je sens pas mal juste le beurre d'arachide, ouais. C'est ça? On sent pas le bretzel parce qu'il est caché en dedans. Tu sens pas le bretzel, toi? Moi, je sens un petit côté salé, là. Mais ça doit être à cause du beurre de peanut. Beurre de peanut, t'as pas le choix de le dire comme ça. J'ai pas le choix de dire beurre de peanut. Je pense qu'on devrait directement goûter. Ok, vas-y. C'est vraiment une grosse bouchée. Oh, wow. Oh, l'extase. Oh là là. Mais c'est génial. Oh! Hey, y a pas de bretzel, là. C'est cloquant, moi. Prends-en d'autres. Moi aussi. Non, mais c'est croquant, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une pretzel. Mais peut-être que c'est une bretzel genre... Égrenée. Hey, j'en prends un autre, c'est trop bon. C'est malade. C'est luxueux, mais vraiment bon. Un de mes préférés à date de l'histoire de la chronique. Faut que je dise que c'est vraiment bon. Tu sais, le nom de la compagnie, c'est OMG's. T'as envie de dire « Oh my God ». C'est rare qu'on est aussi positif, là. Écoute, je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus désagréable en bouche. Un. Deux. Je m'attendais pas à avoir une belle équilibre comme ça entre le croustillant, le bird peanut, puis le petit drizzle de chocolat. C'est parfait. Je pense qu'il aurait pas pu avoir Ça te réveille sur qualité. Un temps, là, juste une bouchée. T'sais, c'est ça, c'est luxueux. La marque OMG, leurs sacs sont quand même chers. Je me rappelle pas du prix, mais c'est quand même cher. Ouais. Je regarde pas les prix pour ces connexions. Je pense que c'est 4$. Ah, je pense que c'est plus que si ça. Si c'est pas plus que ça. Ouais, ouais. Il me semble que c'est plus. Mais pour vrai, ça, ça vaut extrêmement la peine. Si t'as une rage de ça, prends ça. Si tu veux en manger t'en beaucoup... T'en manges deux. Oui. Au pire, achète-en des cheap pour quand t'as juste envie d'en manger une fois de temps en temps. Mais c'est là, ça. Là, garde-toi. Là. Va te chercher OMG's, bouchée de bretzel au bar d'arachide. Tu sais, je mettrais mon pouce encore plus qu'en l'air si on avait Écoute, pas... c'est sûr que c'est sucré, là. C'est, oui. C'est du beurre de peanut avec du chocolat puis des pretzels. Des pretzels. Mais je dois mettre mon pouce en l'air. Le système de cote, c'est pouce en l'air pour sur le côté ou pouce sur le bas. Mais pour vrai, c'est un pouce en l'air extrême. Je serais même prête à mettre deux pouces en l'air. Moi aussi. Tellement, il y a un bel équilibre, là. Puis le croustillant, il est croustillant. Il est pas genre... Tout est parfaitement là. Le bretzel est parfait, le chocolat est parfait et le beurre d'arachide est parfait. C'est équilibré. Je te le dis, là, ça m'a réveillé en une seule bouchée. Quand tu y penses, si 8 morceaux, c'est 200 calories, 2 morceaux, c'est juste, tu sais, moins de calories. Oui, tout à fait. Donc, pouce en l'air à l'extrême. Exactement. Et moi, je me sens mal pour les personnes qui ne pouvaient pas être présentes avec nous en studio pour faire cette chronique-là. Oui, je suis vraiment triste. Triste que personne ne soit venu goûter à ces OMG. Il y en a juste plus pour nous, hein. Bye. Que voulez-vous, hein? On va avoir moins de calories que. C'est ça. Que plus, que moins, hein. Que quoi? Je sais pas, je m'écoutais pas. Boucher de bretzel au beurre d'arachide par la marque OMG's. Allez voir leur site web pour plus d'informations, omgs.ca. Eux qui ne commanditent pas cette chronique, mais Colin, qu'on serait bien, ça serait bienvenu. Ça serait merveilleux. Tu sais, là, pour nos invités, on aurait une petite table... qu'est-ce que je raconte? Un petit plateau dans le milieu de la table avec des pâtisseries et des OMG's. Hein? Tout à fait. Ce serait tellement beau comme à TV. Je suis d'accord. Une grosse pointe tendresse, ça c'est la chronique dans laquelle on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en épicerie, en magasin, peu importe, que j'ai gardé dans mon tiroir depuis les dernières semaines. Et puis celui-là, ben, ça fait quand même, je dirais, bon, 2-3 semaines que j'ai acheté, mais ça, j'avais hâte d'y goûter. Mm-hmm. J'avais hâte, parce qu'on a parlé en début d'émission, évidemment, t'as sûrement fait le lien dans ta tête, que des listes sur les chips dans son foutu palmarès allaient mener vers des chips. Oh mon Dieu! Mais par contre, je suis allé un petit peu plus original avec des équivalents Pringles, mais qui ont l'air un petit peu plus... comment dire, santé. Mm-hmm. L'emballage fait vraiment années 90. Ça a l'air rétro. C'est affreusement laid. On dirait un grand contenant de sel. C'est vrai. Tu sais, les salières. Les salières, oui. Mais en plus gros, c'est affreux. C'est par la compagnie Sensible Portions. Ce sont des croustilles aux légumes du jardin. Mm-hmm. C'est fait de pommes de terre, d'épinards, de brocolis et de pois. Et en haut, en gros, c'est écrit sel de mer. Donc, j'imagine que c'est important, sel de mer. Oui. Avec une cuillère puis du gros sel. C'est pas mal ça. En anglais, ça s'appelle Garden Veggie Chips. C'est pas mal la même chose. C'est sans gluten, c'est sans organismes génétiquement modifiés. C'est fait de légumes et de patates, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est bon jusqu'au 25 novembre 2017. Donc, ça a l'air de durer peut-être moins longtemps que d'autres sortes de chips. Les ingrédients, pommes de terre séchées, huile de canola et ou de maïs et ou de tournesol, poudre de légumes, épinards, brocoli, pois, semoule de maïs, maltodextrine de maïs, monoglycérides, sel de mer et acide citrique. Donc en tant que tel, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, beaucoup moins non, que dans des chips habituels. C'est absolument tout ce qu'il y a sur la boîte. On voit la forme des chips qui est exactement pareil comme des Pringles. Tu as pris lesquels? Les traditionnels au sel de mer. OK, parce que je vais t'avouer que j'ai goûté à sel au barbecue. Ah bon, moins bien. Déjà au passé. Dans le passé, je veux dire. Pas au passé, mais dans le passé. Et j'ai hâte de voir la différence, en fait. Bon, ben moi, je suis triste que t'as déjà essayé la sorte, mais bon, au moins... Pas celle-là. Non, je veux dire la marque. OK. Ouais. Vous êtes prêts? On t'écoute dans le micro magique. Est-ce que tu veux que je l'enlève au complet? Ouais, ouais. Ah, voilà.

Oh! Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale d'Assemblage Reiki sur une grosse pointe à l'adresse. Retrouvez les notes de l'émission et les balados de diffusion ainsi que toute la liste des produits goûtés sur assemblagereiki.com. C'est moi qui dis ça d'habitude, mais tu l'as bien. Ouais, ok, c'est bon. Pour Talia Bourdin et moi, Mme Mathieu Plante, merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt!